long du fleuve qui remonte par les rives de la rencontre, aux sources d'émerveillement. On voit dans le jour qui se lève s'ouvrir tout un pays de rêves, le tendre pays des amants. On part avec le cœur qui tremble du bonheur de partir ensemble, sans savoir ce qui nous attend. Ainsi commence le voyage, semé d'écueils et de mirages, de l'amour et de ses tourments. Quelques torrents de médisance viennent déchirer le silence, essayant de tout emporter. Et puis on risque le naufrage lorsque le vent vous mène au large des îles d'infidélité. Plus loin le courant vous emporte vers les rochers de la discorde et du mal à se supporter. Enfin la terre se dénude, c'est le désert de l'habitude. L'ennui a tout dévasté. La route paraît trop longue, il y a l'escale du mensonge, l'auberge de la jalousie. On y déjeune de rancune et l'on s'enivre d'amertume. L'orgueil vous y tient compagnie, mais quand tout semble à la dérive, le fleuve roule son eau vive et l'on repart à l'infini, où l'on découvre au bord du Tendre le jardin où l'on peut s'étendre, la terre promise de l'oubli.